trois possibilités pour se perdre sur Internet. Voici la première. Florian, le préparateur funèbre qui vous montre sa collection. En deux, Chantal, scrapbookeuse qui s'essaye au tuto. Oh non. En trois, Claudie, l'ivrogne qui refait le monde tous les soirs sur YouTube. Le funéraire, le premier. Ah, moi je croise les doigts pour que ce soit le troisième. Donc on part sur Florian, on part sur Claudie. Voici la réponse. Vous êtes perdu sur Internet. Vous aviez tous les deux tort. Non, non, bah si. Mais non, on l'a déjà eu du scrapbooking, c'est tout maintenant. Ah bah justement. On s'est dit qu'on ne pouvait pas avoir une deuxième fois du scrapbooking dans l'émission. Non. Ah, donc, Chantal, qui a sa chaîne de scrapbooking, elle fait des vidéos de bricolage tous les jours, mais elle a sorti un inédit sur sa chaîne, qui n'a rien à voir avec le scrapbooking. Ça va quoi être beau, je le sais. À quoi être beau ? On doit se préparer. À quoi être beau ? Oui, ça doit être encore beau. Ça va encore être beau. Encore être beau. Non mais tout le monde me dit que tu dis tout le temps co. Bah oui, je dis co. Ça va plus vite. Co. D'ailleurs, moi je dis jour. Je dis plus bonjour, je dis jour. Tu vois, jour. Ça va vite. Bien. Adjiv. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous parlais donc de Chantal. Elle fait donc des vidéos normalement de bricolage, mais cette fois-ci, elle décide de rendre un grand service à sa communauté. Bon, tu vas sur YouTube, tu cliques dessus. Il va s'ouvrir. Là, tu mets ton nom. Moi, c'est Chantal. Donc, je vais là. Voilà. Un tuto. Alors, ce tuto consiste simplement à comment mettre une vidéo sur YouTube. Tu vois, tu as ça. Quand tu as ça, tu tapes sur... Donc, toi, sur ton nom. Moi, je tape sur... Oui. Là, ça veut dire qu'elle se cherche elle-même sur YouTube. Hein. T'as intérêt d'avoir un nom assez unique et être en tête des résultats parce que tu peux y passer longtemps. Hein. Oui. Imagine, on l'a déjà essayé, mais... tu t'appelles Claude. Tu tapes Claude sur Google, ben vas-y pour. Tu mets un paquet de temps avant de te trouver, ça je peux te le dire. Donc elle se cherche elle-même, et pourquoi au final? Là, ici, t'as une petite caméra, tu vois? Tu cliques dessus, mettre en ligne une vidéo. Psst, d'accord. Chantal, pas besoin d'être sur sa chaîne via les résultats pour avoir ce bouton ajouter une vidéo, il est en permanence dans le coin. En haut droit de l'écran. Il n'y a pas besoin de faire toute cette recherche. Mais bon, c'est pas grave. Merci pour le tuto, Chantal, jusqu'ici. Est-ce qu'on peut poursuivre hein, comment mettre une vidéo en ligne? Et là, tu as sélectionné des fichiers à importer. Tu cliques dessus. Mais là, je ne sais pas te le faire parce que mon GSM n'est pas branché. Donc, moi, je m'en vais donc ici choisir. Ici, moi, j'ai donc le nom de mon GSM, Apple iPhone. Oui, c'est embêtant que pour le tuto, elle n'ait pas son Apple iPhone débranché parce que voilà, ça nous handicape un peu, la Chantal, je dois te l'avouer. Hein. Toi, tu as peut-être Samsung, tu as peut-être ce que tu veux, je n'en sais rien. Mais c'est là que tu vas trouver, ici dedans, donc, comment ? Le nom de ton GSM, quand tu l'as, tu cliques dessus, donc, et tu choisis ta vidéo qui va arriver. Mais malheureusement, je ne sais pas le faire parce que je suis en train de filmer. Donc, je ne sais pas bien te montrer. Je ne savais pas qu'en 2023, on branchait encore son téléphone avec un câble physique à son ordinateur pour uploader un truc filmé à l'iPhone. Putain, le jour où elle découvre que l'application YouTube, on peut l'installer sur son GSM et qu'on peut directement uploader la vidéo sans câble. Se connecter, sans se rechercher. Mazette. Oh là là. Bon, on va reprendre, hein, Chantal. On en était où là? Je sais plus du tout. Donc là, tu as ton GSM. Quand tu l'as, tu cliques donc deux fois sur ton GSM. Tu vas avoir donc tes vidéos qui sont là que tu as filmées. Et tu fais ouvrir. Et ça va se faire tout seul. Attends. Putain, ça bug. Merde. Entre les chiens et ça. Est-ce que j'allais dire, est-ce qu'à un moment on va dire aux chiens de se taire ou... Non, spoiler alerte, non. Okay. Moi j'aurais déjà sorti le fusil, tu vois. Mais bon, ça c'est mon opinion. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes, quand elles utilisent un ordi, elles ont un langage à elles que personne ne comprend. Oui, c'est vrai. Bah, surtout, genre tout ce qui est maman et tout ça, ou enfin, toutes les personnes un peu plus âgées. Ouais. Par exemple, tu dis des choses comme. Je vais fermer la croix, parce que comme j'ai rien à ouvrir. Cette phrase ne veut rien dire. Je vais fermer la croix parce que je n'ai rien à ouvrir. C'est vrai. On peut c'est la réécouter. Je vais fermer la croix parce que comme j'ai rien à ouvrir. Voilà. Mais ça choque pas comme elle a une souris en main, qu'elle fait clic-clic et qu'elle a l'air concentrée. C'est le genre de phrase qui passe tout à fait naturellement. Elle fait un peu comme moi, elle clique sur tous les boutons qu'elle voit. C'est comme les experts que t'as dans les séries de TF1 que tu remets le soir pour t'endormir, tu vois. Ouais. Alors, le suspect a évidemment un cosinus 32-29 sur la caméra de l'angle 3 de la 6ème avenue. J'ai remarqué qu'en zoomant avec une optique de 0,5 On peut tenir des heures comme ça avec un dialogue. Enfin, merci Chantal. Maintenant que tu as fermé la croix, est-ce qu'on peut résumer comment uploader une vidéo? Ça va se faire tout seul ici. Et alors, il va mettre ce fichier à importer. Il va télécharger ta vidéo. Et ça va se faire tout seul. Tu n'as plus qu'à marquer le nom de ta vidéo et ça se fait tout seul. Voilà. Allez, bisous, bisous. Sans un seul aboiement, t'imagines? Oui. Et je crois que ça va se faire tout seul. Je crois que ça va se faire tout seul. Donc, si je résume, tu te recherches dans YouTube. Une fois que tu as cliqué sur ta chaîne, tu fais ajouter une vidéo. Tu cherches ton iPhone qui n'est pas branché. Et une fois que tu as ta vidéo, ça va se faire tout seul. Il suffit de mettre le titre. Ouais, c'est simple.